Léon, en effet, logeait chez le pharmacien, où il avait une petite pièce au second étage sur la place. Il rougit à ce compliment de son propriétaire, qui déjà s'était tourné vers les médecins et lui énumérait, les uns après les autres, les principaux habitants de Yonville. Il racontait des anecdotes, donnait des renseignements. Emma reprit. « Et quelle musique préférez-vous ? Oh, la musique allemande, celle qui porte à rêver. Connaissez-vous les Italiens ? Pas encore, mais je les verrai l'année prochaine, quand j'irai habiter Paris, pour finir mon droit. » C'est comme j'avais l'honneur, dit le pharmacien, de l'exprimer à monsieur votre époux, à propos de ce pauvre Yanoda, votre prédécesseur, qui s'est enfui. Vous trouverez, grâce aux folies qu'il a faites, jouir d'une des maisons les plus confortables d'Yonville. Il s'était fait construire, au bout du jardin, à côté de l'eau, une tonnelle tout exprès, pour boire de la bière en été. Et si madame aime le jardinage, elle pourra. Ma femme ne s'en occupe guère, dit Charles. Elle aime mieux, quoi qu'on lui recommande l'exercice, toujours rester dans sa chambre, à lire. C'est comme moi, répliqua Léon. Quelle est meilleure chose, en effet, que d'être le soir au coin du feu, avec un livre, cependant que le vent bat les carreaux, que la lampe brûle. N'est-ce pas ? Dit-elle, en fixant sur lui ses grands yeux noirs tout ouverts. On ne songe à rien, continuait-il. Les heures passent. On se promène immobile dans des pays que l'on croit voir, et votre pensée, s'enlaçante à la fiction, se joue dans les détails ou poursuit le contour des aventures. Elle se mêle aux personnages. Il semble que c'est vous qui palpitez sur leurs costumes. C'est vrai, disait-elle. Vous est-il arrivé parfois, reprit Léon, de rencontrer dans un livre une idée vague que l'on a eue, quelque image obscurcie qui revient de loin, et comme l'exposition entière de votre sentiment le plus délié. J'ai éprouvé cela, répondit-elle. C'est pourquoi, dit-il, j'aime surtout les poètes. Je trouvais les vers plus tendres que la prose et qu'ils font bien mieux pleurer. Cependant, ils fatiguent à la longue, reprit Emma. Et maintenant, au contraire, j'adore les histoires qui se suivent tout d'une haleine, où l'on a peur. Je déteste les héros communs et les sentiments tempérés, comme il y en a dans la nature. En effet, observa Leclerc, ces ouvrages, ne touchant pas le cœur, s'écartent, il me semble, du vrai but de l'art. Il est si doux, parmi les désenchantements de la vie, de pouvoir se reporter en idée sur de nobles caractères, des affections pures et des tableaux de bonheur. Quant à moi, vivant ici, loin du monde, c'est ma seule distraction. Mais Yonville offre si peu de ressources. Comme Toste, sans doute, reprit Emma. Aussi, j'étais toujours abonné à un cabinet de lecture. Si madame veut me faire l'honneur d'en user, dit le pharmacien, qui venait d'entendre ces derniers mots, j'ai moi-même à sa disposition une bibliothèque, composé des meilleurs auteurs. Voltaire, Rousseau, Delille, Walter Scott, l'écho des feuilletons, etc. Et je reçois de plus différentes feuilles périodiques, parmi lesquelles le Fanal de Rouen, quotidiennement, ayant l'avantage d'en être le correspondant pour les circonscriptions de Buchy, Forges, Neuchâtel, Yonville et les alentours.